Entraînement ODELF A2, compréhension de l'oral, les clés pour comprendre une conversation entre locuteurs natifs. Exemple. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, j'ai acheté cette télévision la semaine dernière et 2 jours après l'installation, l'écran est devenu tout gris. C'est une bonne marque et je suis vraiment surprise. Oui, effectivement, c'est surprenant. Mais d'abord, est-ce que vous avez essayé de changer la fonction couleur? Oui, j'ai vérifié. J'ai monté et descendu le niveau de la couleur, mais ça ne change rien. Bien. C'est une équipe de notre magasin qui a installé la télé? Oui, un certain monsieur Rosès. Quel jour exactement? Attendez, vendredi après-midi. Et vous êtes? Madame Longjumeau. Bien, Madame Longjumeau, je vais voir ce que je peux faire. Mais si vous voulez, vous pouvez attendre là, au comptoir après-vente. Bien, merci. Vous avez une machine à café? Oui, là-bas, à côté de la caisse. D'accord, merci. À tout de suite. À tout de suite.